Chapitre 51 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. Essais par Michel Ekem de Montaigne, livre 1, chapitre 51 de la vanité des paroles. Un rhétoricien du temps passé disait que son métier était de choses petites les faire paraître et trouver grandes. C'est un cordonnier qui sait faire de grands souliers à un petit pied. On lui eût fait donner le fouet en Sparte de faire profession d'un art piperesse et mensongère. Et croit qu'Archidamus, qui en était roi, n'ouït pas sans étonnement la réponse de Thucydide, auquel il s'enquérait qui était plus fort à la lutte, ou Périclès ou lui. Cela, fit-il, serait malaisé à vérifier, car quand je l'ai porté par terre en luttant, il persuade à ceux qui l'ont vu qu'il n'est pas tombé, et le gagne. Ceux qui masquent et fardent les femmes font moins de mal, car c'est chose de peu de perte de ne les voir pas en leur naturel. Là où ceux-ci font état de tromper, non pas nos yeux, mais notre jugement, et d'abâtardir et corrompre l'essence des choses. Les républiques, qui se sont maintenues en un état réglé et bien policé, comme la crétoise ou la cédémonienne, elles n'ont pas fait grand compte d'orateurs. Ariston définit sagement la rhétorique, science à persuader le peuple. Socrate, Platon, art de tromper et de flatter. Et ceux qui le nient en la générale description le vérifient par tout en leurs préceptes. Les Mahométans en défendent l'instruction à leurs enfants pour son inutilité. Et les Athéniens, s'apercevant combien son usage, qui avait tout crédit en leur ville, était pernicieux, ordonnèrent que sa principale partie, qui est émouvoir les affections, fut ôté, ensemble les exordes et pérorations. C'est un outil inventé pour manier et agiter une tourbe et une commune déréglée, et est outil qui ne s'emploie qu'aux états malades, comme la médecine, en ceux où le vulgaire, ou les ignorants, ou tous, ont tout peu, comme celui d'Athènes, de Rhodes et de Rome, et où les choses ont été en perpétuelle tempête, là ont afflué les orateurs. Et à la vérité, il se voit peu de personnages en ces républiques-là qui se soient poussés en grand crédit sans le secours de l'éloquence. Pompeius, César, Crassus, Lucullus, Lentulus, Metellus ont pris de là leur grand appui à se monter à cette grandeur d'autorité où ils sont enfin arrivés, et s'en sont aidés plus que des armes, contre l'opinion des meilleurs temps. Car Lucius Volumnius, parlant en public en faveur de l'élection au consulat, faite des personnes de Quintus Fabius et Publius Decius. Ce sont gens nés à la guerre, grands aux effets, au combat du Babil, rude, esprit vraiment consulaire. Les subtils, éloquents et savants, sont bons pour la ville, prêteurs à faire justice, dit-il. L'éloquence a fleuri le plus à Rome, lorsque les affaires ont été en plus mauvais état, et que l'orage des guerres civiles les agitait. Comme un champ libre et indompté porte les herbes plus gaillardes. Il semble par là que les polices qui dépendent d'un monarque en ont moins de besoin que les autres, car la bêtise et facilité qui se trouve en la commune, et qui la rend sujette à être maniée et contournée par les oreilles au doux son de cette harmonie, sans venir à peser et connaître la vérité des choses par la force de raison. Cette facilité, dis-je, ne se trouve pas si aisément en un seul, et est plus aisé de le garantir par bonne institution et bon conseil de l'impression de ce poison. On n'a pas vu sortir de Macédoine, ni de Perse, aucun orateur de renom. J'en ai dit ce mot sur le sujet d'un Italien que je viens d'entretenir, qui a servi le feu cardinal Caraffe de maître d'hôtel jusqu'à sa mort. Je lui faisais compter de sa charge. Il m'a fait un discours de cette science de gueule, avec une gravité et contenance magistrales, comme s'il m'eût parlé de quelque grand point de théologie. Il m'a déchiffré une différence d'appétit, celui qu'on a à jeun, qu'on a après le second et tiers service, les moyens tantôt de lui plaire simplement, tantôt de l'éveiller et piquer, la police de ses sauces, premièrement en général, et puis particularisant les qualités des ingrédients et leurs effets, les différences des salades selon leur saison, celle qui doit être réchauffée, celle qui veut être servie froide, la façon de les orner et embellir pour les rendre encore plaisantes à la vue. Après cela, il est entré sur l'ordre du service, plein de belles et importantes considérations. Nec minimo sane discrimine refert, quo gestu lepores, et quo gallina sequetur. » Et tout en cela, enflé de riches et magnifiques paroles, et celles mêmes qu'on emploie à traiter du gouvernement d'un empire. Il m'est souvenu de mon homme. Hoc salsum est, hoc adustum est, hoc lautum est parum, illud recte. Iterum sic memento, sedulo moneo quae possum pro mea sapientia. Postremo, tanquam in speculum, in patinas de mea, inspicere iubeo, et moneo, quid facto usus sit. Si est-ce que les Grecs même louèrent grandement l'ordre et la disposition que Paulus Emilius observa au festin qu'il leur fit au retour de Macédoine. Mais je ne parle point ici des effets, je parle des mots. Je ne sais s'il en advient aux autres comme à moi, mais je ne me puis garder, quand jouit nos architectes s'enfler de ces gros mots de pilastres, architraves, corniches, d'ouvrages corinthiens et doriques, et semblables de leur jargon, que mon imagination ne se saisisse incontinent du palais d'Apollidon. Et par effet, je trouve que ce sont les chétives pièces de la porte de ma cuisine. Oyez dire métonymie, métaphore, allégorie, et autres tels noms de la grammaire, semble-t-il pas qu'on signifie quelque forme de langage rare et pèlerin? Ce sont titres qui touchent le babil de votre chambrière. C'est une piperie voisine à cette-ci d'appeler les offices de notre État par les titres superbes des Romains, encore qu'il n'ait aucune ressemblance de charge, et encore moins d'autorité et de puissance. Et cette-ci aussi, qui servira à mon avis un jour de reproche à notre siècle, d'employer indignement, à qui bon nous semble, les surnoms les plus glorieux de quoi l'ancienneté est honorée un ou deux personnages en plusieurs siècles. Platon a emporté ce surnom de divin par un consentement universel qu'aucun n'a essayé de lui envier. Et les Italiens qui se vantent, et avec raison, d'avoir communément l'esprit plus éveillé et le discours plus sain que les autres nations de leur temps, en viennent d'étrenner l'arétin, auquel, sauf une façon de parler bouffie et bouillonnée de pointe, ingénieuse à la vérité, mais recherchée de loin et fantastique. Et outre l'éloquence enfin, telle qu'elle puisse être, je ne vois pas qu'il y ait rien au-dessus des communs auteurs de son siècle. Tant s'en faut qu'il approche de cette divinité ancienne. Et le surnom de grand, nous l'attachons à des princes qui n'ont rien au-dessus de la grandeur populaire. Fin du chapitre 51.